calcule et parle fort. Ça joue les divas, les ténors, de la bêtise. Moi, les lazis, les colibés, me laissent voir, puisque c'est vrai, je suis un homme. Ils sont venus, ils sont tous là, et qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir, la maman.

Achra lumes ibn dunis Bemulvatis mulvatunis Roshnerit nabadunis Randu shakarin manis Roshnerit nabadunis Randu shakarin Zerhalam karin manis, ranget perangi alase, zerhalam karin manis. Gunsti mana vestjab charin, achke mezgat. Tenez autant que moi. Prenons rendez-vous un jour n'importe où. Je promets que j'y serai sans faute. À Noël comme à la Pentecôte, à Rio de Janeiro ou à Moscou. Plus on est de fous, plus on rit de tout. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. J'y tiens beaucoup. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Le monde est petit. Profitons-en. Si votre chemin passe par le mien, ma roulotte croisera la vôtre. Comme il ne faut pas tenter le diable en disant à la prochaine fois. Faites comme moi, en croisant les doigts, ou si vous trouvez ça préférable, touchons du bois. Je dois vous avouer que j'ai été une fois de plus ravi d'être parmi vous ce soir encore. Je voudrais encore vous dire merci pour votre présence ici ce soir, merci pour votre fidélité. Un de ces jours peut-être, qui sait. En attendant, bonsoir et que Dieu vous protège. Le hasard souvent vient les choses, surtout si on peut l'aider un peu. Une étoile passe et je fais un nous nous reverrons un jour ou l'autre. Si Dieu le mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer tandis que le monde me juge, je ne vois pour moi qu'un refuge. Tout tissu m'étant condamné, mourir d'aimer, mourir d'aimer, de plein gré s'enfoncer dans la nuit, payer l'amour au prix de sa vie, pécher contre le corps mais non contre l'esprit. Laissant le monde à ses problèmes, les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées, mourir d'aimer. Puisque notre amour ne peut vivre, mieux vaut en refermer le livre, et plutôt que de le brûler, mourir aimer, partir en redressant la tête, sortir vainqueur d'une défaite, renverser toutes les données. Mourir d'aimer, mourir d'aimer. soi pour n'emporter que ce qui fut nous, qui fut toi. Tu es le printemps, moi l'automne. Mon cœur se prend, le mien se donne. Et ma route est déjà tracée pour rire d'aimer, pour rire d'aimer, pour rire so fast, each one more quickly than the last. It's time to gather up the past. Remember to see in memories evergreen the life we lived, the years we've seen, the good, the bad, the might have been. Remember, for there were times I won't deny, I knew the way to make you cry, the times we almost said goodbye. Remember, but now we've lived our season through, I feel such thankfulness to you for giving me a reason to remember. We've taken all that life can give, we've learned to pity and forgive, discovered life is there to live. Together we've shared our pleasure and our pain, till nothing now can break the chain, whatever storms may yet remain. We'll weather when first we started, who could say that we would come this long, long way? It seems like only yesterday. Remember, we held the stage and sang our song. We've seen our children grow up strong and lived an age that we will long remember. And now in peaceful afterglow, how comforting it is to know we made our little garden grow. Remember, for time gets used and disappears, like children's toys and souvenirs among the shadows of the years. Remember, the days grow shorter one by one, and though our summer times is done, I miss you always with the sun. above you. And when at last I've lived my day, with one more breath I will convey a curtain line to end the play. I look at you once more and say, remember, I love you. Pas les comédiens, pas les musiciens, pas les magiciens qui arrivent bien. Pas les comédiens, pas les musiciens, pas les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru le faubourg, ils ont donné la parade à grands renforts de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils rêvent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent, si vous voulez voir confondus de coquins dans une histoire un peu triste où tout s'arrange à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur bâtisse pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installez. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, le comédien. Viens voir les comédiens, pas les musiciens, pas les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, par les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont ôté les estrades et plié les calicots. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent bien. Par les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent bien. Par les comédiens, par les musiciens, par les magiciens qui arrivent bien. Que l'on tient sous ses mains cette richesse, avoir 20 ans le lendemain, la promesse, quand l'amour sur nous se penche pour nous offrir ses nuits blanches. Lorsque l'on voit loin devant soi rire la vie, on est d'espoir, riche de joie et de folie. Il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse. Et jeunesse. Avec le sourire, nous quittons l'enfance. Avant que le savoir, la jeunesse s'enfuit. Cela semble si court que l'on est tout surpris qu'avant que le comprendre, on quitte l'existence. Souvent en vain, dans les mains, et l'on regrette. Il est trop tard, sur son chemin rien ne l'arrête. On ne peut garder sans cesse sa jeunesse. Un bon matin, je sais que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours. Et mon cœur délivré enfin de notre amour. Et pourtant, sans un remords, sans un regret, je partirai droit devant moi, sans espoir de retour. Loin des yeux, loin du cœur, j'oublierai pour toujours et ton corps et tes bras. Ta voix, mon amour. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, j'arracherai sans une larme, sans un cri, les liens secrets qui déchirent ma peau, me libérant de toi pour trouver le repos. Et pourtant, je marcherai vers d'autres cieux, d'autres pays, en oubliant ta cruelle froideur. Les mains pleines d'amour, j'offrirai au bonheur, et les jours, et les nuits, et la vie de mon cœur. Faudra bien que je retrouve ma raison, mon insouciance et mes élans de joie, que je parte à jamais, me détachant de toi. Et pourtant, dans d'autres bras, quand j'oublierai jusqu'à ton nom, quand je pourrai repenser l'avenir, tu deviendras pour moi un lointain souvenir, quand ma peine et mes pleurs, mon cœur, on finit. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Pourtant, tes lèvres, et vibrant de fièvre, surprenant ton corps, deviendra ton maître en y faisant naître un nouveau bien-être, un autre bonheur. Qui prendra la relève pour combler tes rêves et sans un remords? Un éclat de rire saura te conduire à mieux me détruire au fond de ton cœur. Qui peut être cet autre? Qui sera cet intrus? Dans tout ce qui fut nôtre, quand je ne serai plus. ta faiblesse avec des caresses et des mots d'amour, et couvrant d'oubli nos jours de folie, qui prendra ta vie au bout de mes jours. Nous vivons à 20 ans d'écart, notre amour est démesuré, et j'ai le cœur au désespoir pour ces années. Car lorsque mes yeux seront clos, d'autres yeux vont te contempler. Aussi, je lutte avec ce mot de ma pensée. Qui, sans que tu protestes, refera les gestes qui ne sont qu'à nous. Lorsque je t'enlace, lorsque je t'embrasse, qui prendra ma place autour de ton cou? Qui connaîtra des scènes de folie soudaine ou bien de courroux? Qui aura la chance d'avoir ta présence souvent? Quand j'y pense, je deviens jaloux. Qui, il ne peut le dire, qui, nous n'en savons rien. Et mon cœur se déchire en pensant que quelqu'un te prendra d'un je t'aime. Et dans ce je t'aime, je le sais déjà, il prendra ta bouche, il prendra ta couche et m'enterrera pour la seconde. Lui di nascosto osserva te. Tu sei nervosa vicino a me, lui accarezza lo sguardo tuo, ti abbandoni al gioco suo. Io tra di voi, se non parlo mai, ho visto già tutto quanto. Ed io tra di voi capisco che ormai la fine di tutto è qui. Lui sta spiando che cosa fai, mi incoraggi perché lo sai. Lui sa tentarti con maestria, tu sei seccata che io ci sia. Io in rincuore, se non parlo mai, osservo la vostra intesa. Ed io tra di voi nascondo così l'angoscia che cresce in me. Lui di nascosto sorridi a te, tu parli forte, chissà perché. Lui ti corteggia malgrado me.